un gros bolide à MG63. Pour les rats qui se mettent plus sous popo. C'est la caisse, on recherche pas d'emploi. Une manchette, deux manchettes, ça se croit pour tempo. J'arrive dans le game pour faire un attentat. Et gros, si tu m'aimes pas, tant pis. Pour les frères à Corba, les rapteux, les ratus qui caissent le jumpy. On s'en bat le clair, oui, demande-leur si j'arrête tout, ils diront ben oui. On s'en bat le clair, oui, demande-leur si j'arrête tout, ils diront ben oui. On s'en bat le clair, oui, demande-leur si j'arrête tout, ils diront ben oui. On s'en bat le clair, oui, demande-leur si j'arrête tout, ils diront ben oui. Au quartier, je suis posé, y'a que des crasses aussi prennent pour l'ensemble. C'est votre cap à loger, deux bouteilles, trois bouteilles, va pas l'heure du tiesto. Les rails sont trop chauds, tous bourrés, ça criait les bangers. Pour Adam et Crapaud, on dira bingo quand y'aura la liberté. Faire comment fallait oser, j'ai de l'inspi, j'ai pas besoin de Genja. C'est pour le pote Genji, j'encule TMC qui valorise les Ramja. On s'en bat le clair, oui, demande leur si j'arrête tout, ils diront ben oui. On s'en bat le clair, oui, demande leur si j'arrête tout, ils diront ben oui. On s'en bat le clair, oui, demande leur si j'arrête tout, ils diront ben oui. On s'en bat le clair, oui, demande leur si j'arrête tout, ils diront ben oui. Est-ce que je vais tout niquer? Premier son, je peux dire à t'assistant. Et ouais, le rap gros, c'est compliqué. Comme revenir chargé en fin de fiesta. T'étais un bon, t'es devenu un gros fils de. Je le rends main, t'as retourné ta vista. Je te mettrai pas ton coup même si t'insistes. Moi, je suis comme basse sur terrain, j'ai la grinta. C'est pour Momo Gringo. Tu comprends si je dis hasta la vista. Mais son abat dans le clio. D'ici 3 mois, je ferai des tu comme Binto. Je vais tout tourner, moi, je suis jamais le perso. J'aurais voulu être dans l'équipe d'Iniesta. Pour pas feu à la talo. Mais faut qu'il reste même après des années de tragro. Et ouais, j'ai fait tout bandé. Je fais danser les gamins et les vagrants. Avec des sous, j'ai changé. C'est sur les roues que je deviendrai plus sympas. Ça tourne de lui à synthé. Que des aînés qui font pas les impôts. Si tu pleures, dis oui. Je sais que tu vas kiffer même sans vérité tempo. Pour les rageurs comme Harry. Ceux qui encaissent les coups mais qui parlent pas. Pour ceux qui font l'arrière pris. Pour ceux qui sont riches et qui comptent pas son papa. Ça sort le KTM même si un sale temps. En hiver, c'est lunettes et doudoune quechua. NABS c'est l'allemand. On risque de vous choquer même si j'aime pas la hadra. On s'en bat le clair, oui. Demande la si j'arrête tout, ils diront ben oui. On s'en bat le clair, oui. Demande la si j'arrête tout, ils diront ben oui. On s'en bat le clair, oui.